بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في الحديث 33، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموالكم ودماءهم، ولكن البينة ولا مدعي، واليمين ولا من أنكر، واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره. رسول ابن عباس رضي الله عنهما المسجد الله صلى الله عليه وسلم قال: si l'on devait donner aux gens chacun pour ses prétentions et ses demandes, des gens auraient prétendu pour pouvoir obtenir les biens des gens ou leur sang. Cependant, la preuve revient à celui qui prétend, c'est-à-dire qui accuse, et le serment à celui qui renie, qui nie. Dans le sens où quelqu'un qui viendrait accuser quelqu'un de quelque chose, d'accord, qu'il apporte une preuve de son accusation. S'il n'a pas de preuve, alors que l'autre, si jamais Yanni se désavoue de cet acte-là, ce qui lui revient, c'est de jurer par Allah, ça veut dire qu'il est innocent de ce dont il est accusé. Fayaqul hadha al-hadith hadithun azimun wa huwa qa'idatun azimatun min qawa'id al-qada. C'est un hadith qui contient une règle importante dans le sujet du jugement chez les juges. Donc comment ça se déroule? Il dit: "Lianna al-khasimain mudda'in wa mudda'a alayhi." Car lorsqu'on a deux parties, on a celui qui accuse et l'accusé, comme on dit. Fa yabda'u bil mudda'i. Donc le juge commence par écouter celui qui a une plainte à donner. لأنه يدعي خلاف الأصل. Car lui vient s'opposant à la base des choses. C'est lui qui apporte des choses nouvelles. أما المدعى عليه فهو باقي على الأصل والبراءة. Et celui qui se voit accusé, lui reste sur la base. Car la base en islam, c'est que tu es innocent. Juste qu'on a pour une preuve que tu es coupable. D'accord? Donc celui qui accuse vient avec une chose nouvelle. Pour dire un tel avait telle chose. Car s'il n'avait pas parlé, les gens n'auraient pas accusé cette personne-là. Donc c'est lui qui apprend une chose nouvelle. Donc à ce moment-là, un tel, on va dire celui qui accuse, qui prétend, doit apporter une bayyinah de ce qu'il dit. Une preuve. Quand même, soit, par exemple, ils avaient fait une dette, ils apportent le contrat de dette, ou, mathalan, il s'est fait voler des biens par celui qui l'accuse. Il a des preuves tangibles que le voleur c'est un tel. Il a des témoins, d'accord, qui attestent que le voleur c'est un tel ou un cadavre. Bien qu'une bayyina. Bayyina, ça peut être dans plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait des contrats, des mu'amalat avec les gens, on fait des accords, des feuilles. Même entre frères, même quand on fait les douyoun, il y a qu'Allah Azza wa Jal. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. Donc avec lui, si vous faites une dette entre vous, écrivez-la. Car ce n'est pas obligatoire, c'est mustahab. Pour éviter quoi? Justement, toute divergence. Non pas que tu doutes de la personne, mais l'être humain, il est amené à oublier, ou qu'il se passe des choses, il peut mourir, après ses héritiers qui se comportent mal. Donc, il y a une preuve. Un tel, je prêtais tel à tel la somme d'argent, la preuve, elle est là. Voilà, kada. Kulu shebi wuduh. كروشي بوضوح. فإذا اعترف المدعي عليه انتهت القضية وحكم عليه. Donc maintenant, si celui qui accusé reconnaît directement, même son bayyina, l'affaire est réglée. Il dit: un tel m'a fait telle chose. Il te dit: oui, c'est vrai, je l'ai fait. L'affaire est réglée, il reconnaît. وإذا أنكر طلب من المدعي البينة. Et si jamais l'accusé dit non, je n'ai rien fait, on dit à celui qui accuse: as-tu une preuve de ce que tu avances? Et comme expliqué, la preuve se trouve dans différentes choses. dans différentes choses. Et parmi elles, comme on a parlé, les shuhud, les témoins. D'accord, le témoignage, c'est un bab qui est important dans le Abou Sir. Et le témoin, l'Asan Yakuna, yani Snein, il en faut deux. Deux hommes. Et des Udul. Comme on parle de Ta'ala, Yakuna Rajulain, Farajulun, Wamraten, Mimman Tardonem le Shuhada, Antodilla Ihdahuma, Fatuzakila Ihdahuma, Ukhra. Warayaba Shuhada, Uzema Duru. Au début du verset, il dit, ou Ashidu Shahidain Nirjalikum. Quand lui fait, c'est pour la dette, mais ça marche dans d'autres domaines. Vous faites témoigner deux hommes, parmi vos hommes. Et s'il n'y a pas deux hommes, alors un homme et deux femmes. Pourquoi les deux femmes? Il a dit, Antadilla Ihdahuma, Fatuzakira Ihdahuma Ukhra. S'il n'est de oubli, l'autre le rappellera. Car la femme, elle est Nox l'Aql. Dans le même hadith du Nox l'Aql de la femme, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que son orque, c'est l'aql. Son orque, c'est djinn, elles ont une raison qui est réduite par rapport à la religion. Elles ont dit, Fama, elles ont demandé les femmes, Manoksan aklina, c'est quoi la cause? Il a dit, Alaysat, shahalat al-mar'a, nis shahalat al-rajul, kulnabela. Il a dit, n'est-ce pas que le témoignage d'une femme, quand même, ça vaut la moitié du témoignage d'un homme. C'est-à-dire, il faut deux femmes veulent un homme en témoignage. Et c'est une chose qu'elle a mise sur la femme, qu'elle est comme ça, elle est distraite, elle est inattentive, elle est pas précise. Elle oublie vite, ou elle est très émotive. Donc, dans ce sujet-là, voilà. Même dans Babet Dima, tout ce qui touche aux sentences, à Kaza, la Shahada de la femme, elle n'est pas acceptée. Tout ce qui touche aux Dima, d'accord? La femme, son Khaba, elle n'est pas acceptée. Pas Khaba, la femme, témoignage. Khaba, c'est autre chose. Il y a eu un meurtre, les témoins sont des femmes, c'est pas accepté. Il y a eu du Zina, les quatre témoins sont des femmes, c'est pas accepté. Il y a eu un vol, il va être coupé, les témoins sont des femmes, c'est pas accepté. Ou à Kaza, Allah dit nous non. Même s'ils disent la vérité, c'est vrai, c'est pas accepté, Shalom. Donc, maintenant, le shahid, faut qu'il soit adl. Quelqu'un de juste. D'accord? De juste. Connu pour ne pas être un menteur, pour ne pas être un fasiq, pour ne pas être quelqu'un qui lui-même est connu pour faire du mal. Ouvertement, aux yeux des gens. Wa'akada. Et le témoin, lorsqu'on l'appelle, il n'a pas le droit de refuser. Dans le verset, voilà, il y a Bashwada ou Zemadou, que les témoins ne doivent pas refuser si on les appelle. Quelqu'un qui sait quelque chose, et tu sais qu'il est témoin, tu l'appelles pour qu'il pourra régler un problème, et qu'il refuse, il n'a pas le droit de refuser. Il doit venir témoigner de ce qu'il aime. Il n'a pas le droit de cacher ni rien. On t'appelle, tu viens témoigner. Comme encore le Ta'ala, et qui donc est plus injuste que quelqu'un qui aura caché son témoignage auprès d'Allah Azza wa Jalla. Voilà, t'as tout mon shahada. Et ne cachez pas le témoignage, celui qui le cache a commis un péché. Donc là, à ce moment-là, on ramène le témoin, et les témoins, c'est parmi les choses qui permettent de régler le problème. Kazadik, yajouz al-amal bi-kara'in. Que tu agisses selon des indices. T'as pas de bayyina. T'as pas de témoin. Mais t'as des kara'in, des indices qui permettent de pouvoir, justement, savoir est-ce que tu es véridique ou pas dans ta prétention, dans ton accusation? Et, مثلاً, من العمل بقرائن الذي حصل على زمن داود وسليمان, qu'il y avait deux femmes, avec chacune d'entre elles, elles avaient un enfant. فذهب ذيب بولد أحدهن, que le loup est parti avec l'un l'enfant de l'une des deux, la grande, une qui était âgée, une qui était plus jeune. فذهبنا إلى داود liyahkuma baynahunna, car il restait un enfant et chacune a prétendu que l'enfant était le sien. Ils sont partis voir Daoud alayhi salam, et ce qu'il a fait à Daoud, hakama ala al-kubra, il a dit que c'est l'enfant et la plus âgée, car souvent le grand est mukaddam sur le petit. D'accord, un hissu l'ihtiram ou un hissu généralement il est plus fiable ou il est plus respectable ou akadha. Lakin ba'da hadha, la plus jeune n'a pas été satisfaite du jugement. C'est son fils. C'est son fils. C'est parti voir Suleyman, fils de Daoud. Elles ont exposé leur problème pareil. Da'a Suleyman bisikin. Fa qala saktu'uhu nisfayn وأعطي كل واحدة نصفا من الولد. Il a demandé qu'on lui apporte un sikin. Il a dit, je vais couper en deux. Et chacune aura une moitié. Comme ça, l'affaire allait régler. Parce qu'il ne voyait pas qui a raison, qui a tort. La grande, elle a dit d'accord. Et la petite, elle a dit, laisse-lui. Laisse-lui l'enfant. Laisse-lui l'enfant. Donc, Souleymane, il a fait quoi à ce moment-là? Il a dit, l'enfant, il a elle, la plus jeune. Pourquoi? Car ça, c'est la rahma d'une mère. L'autre, comment elle laisse son enfant se faire tuer, c'est son enfant. Il a dit, l'enfant, il est la jeune. Parce que c'est elle qui a réagi, qui a dit, laisse l'enfant à la grande. Je préfère qu'il soit donné à la grande plutôt qu'il soit tué. Et l'autre était prête à ce qu'il soit tué. Donc, c'est une carina. C'est pas un dalil, mais il a jugé par ce comportement que c'est elle qui véridique, et son enfant à elle. Elle est partie avec l'enfant. En fait, hada, hata al-Bukhari, bawa baban fi kitab fi sahihi, wa bab al-amab li qara'in. Que tu peux juger selon les indices. Taïeb. Donc maintenant, pour revenir à al-mudda alayhi, إذا كان هذا المدعى عليه ينكر يقول لا ما فعلت هذا جي با في سولا عليه اليمين إذا جري بار الله بعد هذا يغنط في باب يقول كل عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين فهو كي أبي كرو كريني الله سوليك أكلي بيعيدك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود قال من حرف على يمين صبر ليقتطع به مال من المسلم لقي الله وعليه غضبان celui qui jure par Allah mensongèrement pour soutirer les biens d'un musulman il rencontrera Allah يوم القيامة et sera en colère contre lui. Donc ça c'est une chose qu'on rappelle à la personne qui jure. Donc كذلك في حديث يمين الغموس le serment plongeur, c'est-à-dire ramous, soit il te plonge dans le feu ou soit il te plonge dans le péché. Et ça, c'est parmi les kabaïr. Tu jures par Allah en montant pour un témoignage. Donc là, après ça, Zekan al-Qadi, lisa lahu bayyina wa raqara'in wa ankara al-munkir wa halaf. Qu'est-ce qu'il fait le Qadi à ce moment-là? Il n'a plus que la règle. Même si l'autre il a menti, il ne va pas chercher à savoir. Toi, tu n'as pas de preuve. Lui, il a juré, l'affaire est réglée. Fi hadith dunya, l'affaire est réglée. Amma fil akhira, fa hada, yakunu baynahuma après. Si l'autre, il a menti, d'accord, ou qu'il a été beau parleur ou quoi, après, il est sous le grand châtiment. Ala ja fi hadith Umm Salama, radhiyallahu anha, ma rabbina qabul ayyam fi bab al qada, fi bloug, avec shir, yakul nabi sallallahu alayhi wa sallam, إنكم تقتسمون إلي فقد يكون بعضكم ألحد من بعض فأقضي بما أسمع على نحو ما أسمع طيب فقول فقال فمن قطعت شيئا من حقه لأخيه فليأخذ فإنما قطعت له قطعة من النار إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وفنوا بقدموا pour régler vos litiges, vos différends. Il se peut que certains d'entre vous soient plus éloquents que d'autres. Ils savent mieux exprimer leurs arguments. Comme on a dit dans le hadith, bihujjatihi, n'am, c'est bihujjatihi. Il a dit, fa, moi je juge en mesure de ce que j'entends. C'est un bachar. Innama na bachar muslukum. C'est juste un être humain comme vous. Je suis pas infaillible, dans le sens. Il a dit, si jamais je juge en faveur de zalim, du fait qu'il m'aura, eu par son langage et par le talbis ou quoi, qu'il sache une chose, à la base, il doit s'arrêter là. Car ce que je lui donnerai comme, qu'il pense comme étant un haq, elle sera pour lui, malgré la main, voyez, un bout de feu. C'est-à-dire, en fait, tu n'as pas raison. Tu penses avoir raison, tu n'as pas raison. Donc, il fait appel à ce moment-là. Si tu entends cette parole-là, que tu vois que je vais te donner raison, alors tu sais que tu as tort, tu sais que l'autre, il a raison, sache que ce jugement en ta faveur, cette dunya, sera contre toi, malgré la main. تمام يكون عليك يوم القيامه وجاء في حديث كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجر واذا اجتهد واخطا اذا اجتهد واصاب فله اجرا احسنت واذا اجتهد واخطا فله اجر واحد كل جوج et ça c'est valable également pour le savant وهكذا si jamais il fait cela il agit en conséquence. Il fait un ijtihad en mesure des éléments qu'il a en sa possession. Et qu'il voit juste, il a deux récompenses. Et si jamais il se trompe, il n'a qu'une récompense. À quel moment? Qu'il a fait un ijtihad wa arada bidhalika al-haq. Mais il voulait la vérité. Donc à ce moment-là, on ne blâme pas le juge. Il a agi en mesure des éléments qu'il avait. D'accord? Wa kadhalik, une chose importante à rappeler par rapport à celui qui fait un jugement. Kadhalik, déjà fait un hadith Abi Burayda, qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-qadatu thalatha. Les juges sont de trois sortes. واحد في الجنة واثنان في النار. Il y en a un qui est au Jannah et deux qui sont au feu. Le hadith, on l'a pris il n'y a pas longtemps au boulot. قال أما الذي في الجنة فهو الذي علم الحق فقضى به. Celui qui a su la vérité et qui a jugé avec la vérité. Lui, il est aina في الجنة. في النار أما الذي علم الحق وقضى على خلافه فهو في النار. Celui qui a su la vérité et qui a jugé contrairement à cette vérité, lui il est au feu. Il a su le haq, mais il n'a pas appliqué le haq. Même il a khalaf le haq. Amdan. Wassani, c'est quoi? Il dit, Rajulun jahla, tamam, ou qada bi jahlin. Ma'alam al haq, akin qada. Fada fi nar. Et l'autre, celui qui n'a pas su la vérité, rien du tout, mais il a jugé quand même. C'est-à-dire, il a fait ça comment? Bi jahl, avec ignorance. Comme il est, ou hatta in asab, même s'il a eu raison. Dans le jugement qu'il a fait, du simple fait qu'il a jugé par ignorance, il n'avait pas les éléments qu'il fallait, qu'il a jugé, même s'il a eu raison en apparent, eh bien, il sera au feu. Pourquoi? Pour avoir, ça a permis de faire un jugement sans avoir de dalil, ou même de Coran, ou quoi que ce soit. Il n'avait pas à agir à ce moment-là, il agit quand même, ben lui, il sera au feu, même s'il a eu raison. Car le but, c'est de qada bil haq. Donc, cette qa'ida, dans ce hadith, nous amène que al-asl fil muslim, al-bara'a. On n'accuse de rien. Tu ne dis pas, Foulen c'est un menteur. Foulen c'est un voleur. T'as pas d'élément? Il est, et sa vizalika. Quand même, et sa vizalika. C'est pas mimbab, et teskiya. Quand même. Mais à la base, le muslim, tu vois demain un frère qui vient, muslim, tu ne peux pas l'accuser. Tu dis, je connais un tel, non, je connais pas, mais c'est un menteur. Mais comment ça, c'est un menteur? Comme ça, c'est un menteur. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu as une preuve qu'il ment, le frère? Il dit non. Ça, tu n'as pas le droit. Même tu vois, il vient les raser et habiller comme je ne sais pas quoi, tant que tu n'as pas une preuve qu'il ment, tu ne peux pas dire que c'est un menteur. Tu ne peux pas l'accuser de vol tant que tu n'as pas vu voler. Ni de aucun crime à part de ce qui apparaît pour toi. Tu dis, par exemple, Foulen, il s'habille mal. Naam, ça, on l'a vu. Foulen, il se rase. Naam, on l'a vu. Kaza. Et mais les autres choses, tu n'as pas vu, tu ne peux pas l'accuser de cela. Maintenant, tu peux avoir, par rapport à son apparence, à son zone. Tu dis, lui, vu comment il est dans sa tenue, ou quoi, ou quoi, ou quoi, c'est quelqu'un, il y a un istiqama, il y a un khalal. Soit c'est un ignorant, il ne sait pas, faut qu'on l'explique, ou soit alors il sait, mais il a des hawa qui sont kawiyya, des shahawat kawiyya, il veut pas se takam. Donc lui, on remet en doute. On remet en doute. Mais tu ne l'accuses pas. D'accord, tu ne l'accuses pas par rapport à cela. Demain, quelqu'un vient comme ça, Mathalen, toi, tu es un frère, Moustakim, tu veux marier ta fille, et un frère, il vient habillé comme ça, tu veux le marier? Je ne l'accuse pas, mais il ne m'inspire pas, lui. Il n'a pas les signes de l'istiqama en apparent. Mathalen. Il n'a pas les signes de l'istiqama en apparent. Et ça, ça réfute un peu également la règle que Satan voulut donner, fut un temps, qui a fait des polémiques, qui est que, là-bas, chez le muslim, c'est qu'il est salafi, ça se met la preuve du contraire. On dit là, elle a quoi le ma, on s'en va. Là-bas, c'est que le muslim, on ne sait pas qui il est. Min haythu, yani, al-istiqama al-din. On ne l'accuse pas, comme on a dit, d'accord? On ne suspecte pas, mais kadhalik, on ne veut pas son manhaj. En fait, tu dis, oui, c'est un salafi. Je dis, je ne connais pas son manhaj. Je ne connais pas sa aqida. Quand je le vois là, je dis, c'est un muslim, rapport à ce muslim ou quoi, mais qui il est? J'ai besoin de savoir, de voir qui il fréquente, de voir qu'est-ce qu'il dit, de voir qui sont ses références. Là, je pourrais te dire. Ah, là, je pourrais avoir un aperçu, mais comme ça, il vient me voir tout de suite. Non. Tu vois? Tu peux pas. Ils ont parti prendre, à cette époque-là, des aqwal de a'imma, qui disent, al-asl fil muslim as-sunnah. Al-asl muslim as-sunnah. Taïeb. Là-bas, chez muslim, c'est la sunnah. Ils ont pris des aqwal hors contexte. الأقوال النقدية التشيع والسنة. Parce que les ulama, ils ont dit, tout ce qui n'est pas chiï ou sunni. Hatta tqul la fi nazar. Lianna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-mahdiyyin ila rashid al-mahdiyyin. Le sunni, celui qui prend la sunna du nabi sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il n'est pas chiï, ce n'est pas forcément un sunni. Un soufi, ce n'est pas un sunni. Un ikhwani, ce n'est pas un sunni. Un tablighi, ce n'est pas un sunni. D'accord? Hizbi, ce n'est pas un sunni. Quoi qu'il en soit, c'est un taksim qui existe. Ils ont dit, le musulman, على قسمين أهل التشيع سكون أبل الشيط et أهل السنة والجماعة les autres et quand on dit شيط il y a parmi eux le roulat exagérateur qui sont les rafidah eux c'est la branche extrême eux c'est les kuffar là il parle du شيعي qui ne s'est pas mis à insulter les sahaba وعليكم السلام même et à faire du roulou dans Ali au point de tomber dans la ribada là où ou rien d'alika il parle du شيعي donc ils ont dit c'est quoi la base sur le muslim. Est-ce que c'est chez un chié ou est-ce que c'est un sunnah? Ils disent que c'est un sunnah. Ils ont pris ce qu'on a pour dire khalas, là-bas, c'est-à-dire que t'es un salafi. Non, quand l'Ali n'a pas parlé de sunnah, il n'a pas voulu dire salafi en soi, comme on connaît la salafia. Il veut dire que c'est pas un chié. Et ils ont pris le col, ils l'ont balancé comme ça, ils ont mis des chibots dans la tête des gens. Ah, quand même. Et quand même, Ali mourit de ce qu'on a, on dit ce qu'on a, il y a khalif al-adillah. Fahmt? Le col, il y a khalif al-adillah. Quelqu'un, il vient, un muslim, il vient, tu dis, lui, c'est un salafi, donc j'ai pas du contraire. Tu dis, lui, je sais pas qui il est. Je sais pas qui il est, c'est tout. Ah non, ouais, ça va. On dit pas qu'il est une branche entre les deux branches intermédiaires. On dit, on sait pas qui il est. On n'a pas inventé une troisième branche, on dit juste, je ne sais pas qui il est. Si c'est un salafi, je le saurais, bizna ta'ala. Et le contraire, quand même, je le saurais. Maintenant, dans quelle branche il est, peut-être je le saurais pas forcément, mais je saurais qu'il n'est pas salafi. À la couline. Ouah, quand même. C'est une parenthèse par rapport à cette masala. Elle est ancienne, mais bon. Elle est toujours dans la tête de gens. Et certains, aujourd'hui, marchent là-dessus. Mais même eux, en vérité, ils ne sont pas véridiques dans ce qu'ils disent. Car demain, ils auront un masjid. Ces gens-là, tu leur donnes un masjid. Et tu lui dis, il y a un frère, il donne de l'eau pour les gens. Tu lui autorises. Il ne va pas dire oui comme ça. Il ne va pas dire oui comme ça. Il va dire, le frère, il a étudié. Non. Ou, il dit, c'est pas important, fais ça, salafi. Laisse-le étudier, laisse-le enseigner aux gens. Avec qui? C'est pas important, fais ça, salafi. Laisse-le enseigner aux gens. Il va pas le laisser. Pourquoi? Tu veux savoir qui il est, d'où il vient, est-ce qu'il étudie, est-ce qu'il est apte à étudier, à enseigner, non. Donc, ça prouve que tu marches sur la règle, c'est un inconnu pour toi. Vous voyez? Si c'est un salafi, règle, laisse-le, enseigne pas, ne demande pas à son sujet. Tu sais très bien que le rajoul, c'est un majoul pour toi. Et ça, c'est un kisme dans le hadith, c'est, t'as, Majoul el-Aïd, celui donc, c'est pas qui il est, celui qui était rapporté par un et que personne n'a fait sa teskiya, ou Majoul el-Hel, celui qui a été rapporté par deux, Kazalik, et qui n'a pas eu de teskiya par les gens qui sont considérés. C'est-à-dire, on connaît son nom et tout, mais son hal, on ne le connaît pas. On fait quoi ce qu'est-ce dans le Am Mustalah? On jette comme ça. Tout le monde c'est un salafi. Et ça, c'est le mazhab de certains ulama, comme le Hibban. Il dit, donc les majahil, il accepte. C'est un madhab. Tu vois, chez les ulama, il existe, mais c'est un madhab. Il est marjouh. Il n'est pas sawab. Sawab, c'est, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas qui il est. Donc ça, c'était un bab tambi par rapport à cette masala-là. Donc le hadith, là qu'on a dit, c'est que celui qui prétend une chose, il apporte la preuve. Car celui qui sort de la base, celui qui prétend une chose, c'est un musulman. Il apporte sa preuve. وكذلك لا تقبل شهادة الكافر على المسلم. الكافر il est pas عدل. Parmi les chouroutes du shahid, comme on expliquait, qu'il soit عدل. Qu'il soit balir. L'enfant également, pour pas son témoignage. Il soit عاقل. C'est pas un fou. D'accord? Qu'il soit عدل. Il est juste. Il n'est pas connu pour le fisc. Pas connu pour le mensonge. Ce genre de choses. Et t'as deux. عدول chez les mutadi'a. T'as des gens de la bida. Les ulama, ils ont porté dans le kutub. Dans le Sahih Bukhari, il y a des mutadi'a. Pas beaucoup, mais il y en a. Tiens, on a eu besoin d'eux, qu'il y a des hadiths, sans eux ne pas pu les connaître. Mais il y avait quoi comme shart? Qu'il est adl. Il n'est pas connu pour mentir. Et que ce hadith, kadhalik, la yu'ayid bid'atahu. C'est pas un hadith qui confirme la bid'a sur laquelle il est. Fahim tu ma'ada? Ce qui prouve que tu peux être adl, et t'es pas salafi. Tout comme tu peux être salafi, tu peux être fasiq. Tu peux être salafi et être fasiq. On n'en a pas il n'y a pas longtemps. ceux qui font des péchés disent moi je suis salafi, comme s'il avait été vacciné. Alors, on dit tu peux le salafi, tu peux t'appeler fasiq. Et le fasiq, un tatar, tu m'as chier. Tu peux te faire châtier pour ton, ce que tu as fait. Mais c'est rare. Surtout si il y a des zemens, c'est-à-dire, que le ghalib, moi, wa'abi. Hein, si il y a des zemens, et en, à kaza. Demain, c'est pas, on, je prends ma parole, et après, tu vas prendre le ilm, chez Moutadir, on dit là. Là, on a parlé chez Aïmma, qui avait une haja d'avoir son hadith. Voyez, il y avait une forme de daroura. Et, le ulama taharraou. Fahim, tu choulou tes sitzq fihi, ils ont vu. À kaza. Hein, moi, aujourd'hui, Moutadir, il vient, il fait kaza, moi, je suis al. Venez, je vous fais un ders. Là, il n'y a pas. وهكذا. طيب ثم نذكر في الحديث الرابع والثلاثين. 34 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم. Selon Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, le messager d'Allah, ou plutôt il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui d'entre vous, quiconque voit un mal, alors qu'il le change, par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors dans son cœur, et cela est le niveau le plus bas de la foi. Ça, c'est un dialogue bi mas'alat al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Qui est parmi les khassa'is de cette umma à ce jour. Comme a dit Ta'ala, « Kuntum khayran ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tan'auna al munkar. » Vous êtes la meilleure communauté sortie à ce jour, vous entendez le bien, et vous entendez le blâmable. A dit Ta'ala, « Wal takum minkum ummatun yad'una lil khayr, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yan'auna al munkar, wa ulaika hum muflihun. » Wa ulaika hum muflihun. Soit de vous, une communauté qui appellent au bien et qui interdisent le blâmable, et ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc, diluna mabni ala dhalika. L'appel au tawhid implique d'interdire le shirk. L'appel à la sunnah implique d'interdire la bid'ah. L'appel à la ta'ah implique d'interdire al ma'siyah, la désobéissance. Kullu hadha ma'a. Wa kullu bihasb. Chacun à son niveau. Et les Banu Israël ont été maudits pour cette cause-là, les Yahoud particulièrement, du fait qu'ils ont délaissé ce amr al-azim min dinina. Comme a dit Ta'ala, l'ouïna l'adhi kafaru min Bani Israël ala l'issane Daoud ou Issa de Mariam, zalika bima asaw wa kanu ya'tadoun, kanu la yatanahoun al-munka in fa'alou, la bi'sama kanu ya'fa'aloun. Que ont été maudits ceux qui ont mécru des fils d'Israël sur la langue de Daoud et de Issa de Mariam. Et cela pour l'animosité qu'ils ont fait preuve et les limites qu'ils ont outrepassées. C'est-à-dire qu'ils faisaient du blâmable sans se l'interdire. Et déjà, il y a un hadith. Anna minuhum, man kana fi yom, yanaha sahibahu, anil munkara kulliya, fulain takilla, malakin tamil hada, walemna'u zalika an que l'un d'entre eux venait à dire à son compagnon, crains Allah, tu n'as pas le droit de faire cette chose-là. Et le lendemain, il mangeait avec lui. Donc, ça, c'est un os qui est azim, qui permet justement de pouvoir tenir la communauté entière. Ce amr bil ma'ruf, wa nahy anil munkar, comme a dit Ta'ala, wa al-asr, inna l'insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما قال تعالى, dans le sens, par le temps, certes l'homme court à sa perte, hormis ceux qui s'enjoignent la patience et ceux qui s'enjoignent la vérité. Donc la vérité, ça mène à quoi? Al-amr bil ma'ruf, an-nahy anil munkar. Et c'est la nasiha également. Nasiha. Aujourd'hui, tu vois que le façade est montachir à la wajh al-ard, sur terre, c'est même d'ailleurs à l'amr al-azim, chez les koufars. Le façade, il est sur terre à cause, principalement pour cette chose-là. Les chrétiens se sont basés, dans Sarah, sur ce qu'ils prétendent que Isa alayhi salam aurait dit dans la Bible, que une femme aurait fait zina, ils sont venus pour la lapider, les gens. Il y avait le rajm dans la Torah. Issa est venu avec, à la base, il est venu confirmer la Torah, et abroger certaines règles, et en ajouter certaines, et ça à travers son livre qui est l'Injil. Mais à la base, il est parmi les bannis Israël, Issa alayhi salam. Dans la Torah, il y a le rajm, l'imputation du fornicateur. Ils prétendent qu'une femme avait forniqué, donc les gens sont venus pour la lapider. Et qui leur aurait dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et là, ils sont tous arrêtés. Pour 10 ans. Soit c'est une kassa munkara jiddan, tu vois, kassa munkara jiddan, c'est-à-dire une histoire qui a rejeté, qui a contredit par la Torah, le rajm il est présent. Il n'a pas été abrogé. Donc, Isa alayhi salam, on n'a pas trouvé qu'il a abrogé le rajm. Et si jamais c'est une histoire qui est vraie, qui aurait vraiment dit ça, peut-être qu'il a vu que ce qu'elle allait lapider cette femme-là, c'était des gens qui avaient un but dans leur cœur, en particulier, c'était très mauvais, et leur but, c'était pas appliquer la sentence. Peut-être qu'ils avaient une vengeance par rapport à là, ou quelque chose, Allah a'lam. Dans le cas, ce serait vraie l'histoire. Quoi qu'il en soit, cette falsafa qui en a résulté aujourd'hui dans notre époque, elle est fausse. Car maintenant, tout le monde dit, personne n'est innocent. Seul Dieu qui juge. Ils vont te dire, même certains ont fait des chansons, qui est l'exemple? Si vous savez ce que je veux dire, un musulman, qui est l'exemple? Tu l'exemple, c'est le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il n'a pas demandé qu'on soit parfait. Il a demandé qu'on fasse un tawba de nos péchés. Car dans le hadith, c'est venu, là où, kunna nuznib shay'an, yani, adhab Allah bina, wa la tabi, yani, unas, ya'budun Allah, wa yu'asun, wa yatoubun. Si jamais on ne faisait pas de péché, Allah nous aurait remplacé par une communauté, on en a parlé, qui fait des péchés, mais qui se repent. Car Allah, il veut qu'on se repente. Et parmi ces noms, Al-Tawwab, Al-Ghafour, Al-Rahim, tout ça. Dans ces noms, il y a Muqtada de l'acte qui en découle. Donc cela amène à quoi? Que l'être humain, il est amené à pécher. Ce que je lui demandais, c'est quoi? De ne pas faire exprès. Amden. Et si cela devait arriver qu'il fasse exprès, qu'il fasse Tawbah derrière. Et la Tawbah, elle est maqboula, elle est comme ça. Même du shirk, ou même du kouf. Donc, comment quelqu'un vient, il fait le mal, il dit à la base, personne ne me juge, tu n'es pas meilleur que moi. Ah. On dit, je suis pas meilleur que toi, Naam, mais ce que tu fais là, c'est un munkar. Et, si jamais t'es muslim, Allah Azza wa Jalla te l'interdit, tu n'as pas à le faire. Et toi, alayka tashkur man, yansahuka. Bi khilaf ma qu'Allah Azza wa Jalla, idha yaqil lahu ittaqillah, aghazatul, izzatu bil ism. Parmi des gens, certains à qui, si jamais on leur dit, craignez Allah, ils sont pris de fierté, ils veulent pas accepter. D'accord? Et eux, leur destination sera le feu. Donc ça, c'est min aqbah ma yakum jawab. Tu fais un munkar, quelqu'un te dit crains Allah, tu dis ejdakhalak. De quoi tu te mêles? Ça ne te regarde pas. Allez, t'as pas envie pour me surveiller. Tu dis là, ce bébé-là, l'homme du marlouf ou le munkar, c'est pas l'espionnage. C'est ce qui nous apparaît. C'est ce qui nous apparaît. Car en laissant ce péché accomplir, ça mènerait à quoi? Moi, si je me tais, alors que je peux te parler, ou j'ai la coudra de t'en empêcher, je ne le fais pas, je participe avec toi. C'est une part de participation. Et ça va amener à ce que ça mène le façade dans la Ummah, Kamila. Et c'est difficile. Al-amr al-ma'louf al-nahy al-munkar, c'est difficile. Combien tous les jours on passe devant des gens? Parce que là, le hadith, c'est un ordre. قال من رأى منكم منكرا فليغيره في بيده لا للام فليغيره سي لام الامر من جوازم c'est un ordre que celui qui voit un mal qui le change par sa main s'il ne peut pas par sa main alors par sa langue en parlant s'il ne peut pas dans son cœur c'est wajib. Combien de mal on voit tous les jours devant nos yeux, on ne bouge pas. On parle pas. On ne dit rien. Alors qu'on peut. Kullu hada alayna. Kullu hada alayna. Qu'on soit au Yémen ou qu'on soit à Paris. C'est pareil. Bien qu'à Paris, c'est décuplé et décuplé et décuplé. En plus. Mais ça reste pareil pour tous. Car souvent des gens viennent à blâmer et disent, pourquoi les ulama ils parlent pas? Pourquoi un tel ils parlent pas? Pourquoi il se passe ça, les gouverneurs, ceci, cela? Pourquoi et pourquoi? On dit, toi, t'as vu combien de péchés aujourd'hui dans la journée? En l'air, tu blâmes un seul, seulement un seul. La personne n'osera pas te dire, oui, je l'ai fait. Et même s'il l'a fait, si tu l'as fait pour un, mais t'en as laissé peut-être 1000 ou 2000. Donc, toi, laisse, cher Foulaine, laisse le hakim fulan et toi regarde ce que tu n'as pas fait comme munkar, qui t'a apporté de changer, que tu n'as pas changé. Et tu veux blâmer un alim, ça se trouve lui-même, il est un être humain, il peut avoir un dorf comme toi, il peut avoir une faiblesse, il peut avoir peur, il ne va pas parler. Et ben toi, t'en as atteint aussi de la chose. On te dit pas qu'on cautionne. On te dit quand tu viens pour blâmer quelqu'un d'autre, attention comment tu parles et regarde-toi comment tu agis toi-même. Je dis pas que tu t'es sur mon cas. Mais tu viens, tu cries sur les gens, une chose que même tu fais, tu ne seras pas crédible. Comme quand le Ta'ala, et t'amourou nas bilbir, ou t'insoun anfusakoum, ou un tout d'autre kitab, afala ta'akiloun. Dans le verset, il dit, Allah Azza wa Jal, est-ce que vous en donnez aux gens de faire le bien, alors que vous oubliez vous-même, alors que vous lisez le livre, et vous donc pas de raison? Ce verset-là, bien comprendre. Il ne dit pas que si tu fais un péché, tu ne l'interdis pas. Tu dois l'interdire quand même. Parce que les gens vont dire, ah ben, moi je fais, donc je ne peux pas interdire les gens. On dit non, toi, tu dois l'interdire quand même. Tu bois de l'alcool, tu vois des frères qui boivent de l'alcool, interdis-leur. Mais toi, comment tu vas le faire? Istahil la nafsi, toi-même tu bois. Donc c'est pas, tu viens justement, tu fais apparaître que tu es quelqu'un qui ne boit pas. C'est ça le blâme. Tu vois, comme quand l'État a là, ya ayyuhallazina amanu, lima takulun ma la taf'alun. Kaburu 'inda Allah maqatan an takulu 'ala Allah ma la taf'alun. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est un gros péché auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Ça veut dire quoi, à ce moment-là? Ce n'est pas le fait que toi, tu fais un mal et que tu l'interdis aux autres, car ça, tu dois le faire. C'est le fait que tu fasses croire aux gens que tu ne le fais pas. Tu te fais passer pour quelqu'un qui ne fait pas la chose. Alors, tu l'as fait la chose. Dia fi hadith, ana sa'uta bi rajulin yawm al-qiyamah fi an-nar. Un homme sera porté yawm al-qiyamah dans le feu. Il sera accroché comme une forme de moulin qui tournera avec un âne. Wa yajtami' hawlahu al-nar. Fa qulu ya fulan ma lak? Alam tanha? Alam takun tanhana 'an al-ma'ruf? Aw tanhana 'an al-munkar wa ta'muruna bil-ma'ruf wa ta'muruna bil-ma'ruf? N'étais-tu pas de ceux qui nous interdisaient le mal et tu nous ordonnais de faire le bien? Comment je te trouve dans cette situation-là? Il dit, si justement, car je vous ordonnais de faire le bien et je ne le faisais pas. Et je vous interdisais de faire le mal alors que je le faisais. Mais comment le comprendre dans le sens où il faisait apparaître le contraire? Il faisait croire aux gens qu'il ne faisait pas ça. Donc bien comprendre les adillah par rapport à ça. Pour pas dire, moi je fais un char, comment pourrais-je dire à quelqu'un de ne pas le faire? On dit, fais-le quand même. Et normalement, justement, ce côté de vouloir interdire les gens de faire le mal, si tu as de la pudeur, ça va te pousser toi-même à délaisser. Ça va te pousser toi-même à délaisser la chose. Je vais raconter une histoire, je me rappelle du monde islam, qui est rapporté de Gandhi, Badak Mushrik, qui était connu pour être un homme chez eux de sagesse et kaza et kaza. Taïeb. Un frère à l'époque m'a raconté, il disait Gandhi, par exemple, une mère est arrivée avec un enfant, et il mangeait plein de bonbons, l'enfant, plein de sucreries. Ce qui lui a amené à ce que ça abîmait ses dents, quoi. Elle a dit à Gandhi, dis à mon fils de ne pas manger de bonbons comme ça parce que ça lui nuit. Gandhi lui aurait dit, reviens dans une semaine. Alors, ramène l'enfant dans une semaine. La mère, elle arrive avec l'enfant dans une semaine après. Elle lui a dit, et là, Gandhi lui a dit, mange pas de bonbons, et kaza, et kaza, et kaza, et kaza. Après, elle lui a dit, mais pourquoi t'as dit une semaine? Parce que moi, je devais arrêter les bonbons, pourquoi lui dire d'arrêter les bonbons? Tu vois? Donc, il se dit, oh, Gandhi, il était magnifique, tu vois, ça, auzubillah. Donc, il dit, 110 ans d'après eux, sa sagesse, c'est que lui-même, ne pouvait pas se permettre d'interdire ce que lui-même il le faisait. On dit à l'islam, il y a pas, t'as pas à attendre. Al-amr, al-aswa, al-al-faur. Tu fais immédiatement la chose. Alors des fois, c'est vrai que des fois, t'as des causes qui peuvent amener à retarder. Mais à mon cas, tu le vois là maintenant, là. Tu dis pas, j'arrête de le faire, après je vais le dire. Non. Tu dis maintenant, arrête de le faire, toi t'arrives sur le champ, si tu le fais. Ana wal wajib alayk. Donc, dans le hadith, il dit, man ra minkum munkara, falyughayyir bi yadi. Donc, il a dit, man, là, c'est parmi les arfaz al-umum. Les termes généraux qui englobent tout le monde. Homme, femme, vieillard. Tout mukallaf. Car des ulama ont dit que le taghayyur bil yad, changeons par la main, c'était que pour les gouverneurs. On dit là, il n'y a pas de dalil. On dit que dans ce cas-là, il y a un wajh, qu'il y a des choses que seul le gouverneur peut changer. Sinon, il y aura un arsala sur terre. C'est sûr. Mais est-ce que c'est dans l'absolu? Là, on dit toute personne qui est en mesure de changer un mal de sa main, qu'il le fasse. Dans ta maison, tu as autorité sur ta femme, tes enfants, tu le fais. Tu as un prof, tu as autorité sur tout le monde, tu le fais. Par exemple. Tu es quelqu'un, par exemple, tu vois une chose devant toi, un munkar. Allahu alam. Tu peux changer par ta main? Tu le fais. D'accord? Tu le fais. Tant que tu es, c'est quoi la condition? Tu es la coudra. Tu puisses le faire. Sans que ça amène à un mal plus grand. Sans que ça amène à un mal plus grand. Donc la base, c'est qu'aujourd'hui, Naam, le gouverneur, c'est lui qui a la base, qui a l'autorité. Il peut se faire beaucoup de choses. Mais on n'attend pas que le gouverneur agisse pour que des fois, nous-mêmes, on agisse. Tant que ça amène pas à un mal plus grand. Et il y a des choses, c'est vrai, on ne peut pas. Des choses, on ne pourra pas le faire. Il faut que ce soit la police qui vienne, il faut qu'il y ait un procès, qu'un adon, on ne peut pas le faire. C'est sûr. Mais ce n'est pas dans l'absolu. D'accord? Donc celui qui a autorité, il a coup de la de changer un mal de sa main sans emmener un mal plus grand, il doit le faire. Après, il a dit quoi? Tu ne peux pas faire par ta main? C'est pas possible pour toi? Par ta langue. Bilisani. Par une mou'idha, par une nasiha, par un zikr, un rappel. D'accord? Un rappel. Tout cela, tu peux le faire. Ça, c'est le rôle, beaucoup, des du'at, des mashayikh, des ulama. Beaucoup. Dans les khutab de Jumu'a, dans les durus, dans les muhadara, même dans la rue. Dans la rue. Au souk. Même tout ça, ça t'a porté. Par la langue. Faut même te sentir. Par exemple, si jamais tu parles, il pourrait t'arriver des problèmes. Ou à kada. Donc, le niveau d'après, c'est quoi? C'est bilkalb. Bilkalbik. Et l'audio, on en a parlé. Bilkalb, bilkalb, ça va amener à des actes, de toute façon. Tu ne pourras pas être dans un lieu où il y a un munkar, que tu ne peux changer par ta main, ni par ta langue, et tu y restes. Tu pars. Tu pars. Tu es dans un lieu, par exemple, on t'amène à un mariage, et après les gens commencent à faire du mal. Les femmes commencent à rentrer. On a l'autre jour, on en a parlé. Ils commencent à avoir de l'alcool qui rentre. Ils commencent à avoir de la musique qui rentre. Tu dis, moi, j'étais invité, et je blâme dans mon cœur, je reste. On dit là, soit, t'as l'autorité, tu changes par ta main, tu ne peux pas, tu dis, je crains Allah, et tu vois que ça va pas fonctionner, tu pars. Tu ne restes pas. Naam, wa, comme on a dit, fi ahkam al-Qur'an, Ibn al-Arabi, il donne une faïda par rapport à ce hadith, qui dit que c'est min gharaib al-fiqh. Min gharaib al-fiqh. Parmi les choses surprenantes dans le fiqh. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min amalihi, lam yakun ala tartib, fil ghalib. En général, dans sa façon d'agir, ce n'était pas ça l'ordre. Lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en premier lieu, il parle. Ma hamaraka ala kada, wa kada. Il parle en premier lieu, quand il voit un munkar. Et après, il agissait. Mathalan, j'ai fait hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dakhala fil masjid. Wa ra'a hablan, Mak'oudan. Il a vu un câble accroché. Il a dit, ma hada. Wa qila hada li Zainab. Ils étaient taribat. Ils ont dit, c'est à Zainab. Parce que c'est ça là, parce qu'elle est fatiguée, elle s'accroche avec. Il a défait le câble. Fin ma'ana. Qu'il ait pris le sommeil ou quoi? Fali rakoud. Qui dorme? Faites ce que vous pouvez supporter comme acte. Hein? Donc, il a agi après avoir parlé. Il a interrogé. Steph Sara, c'est quoi? Pour voir comment agir. Et après, il agit. D'accord? Donc, lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup des cas, il parlait en premier lieu. Après, il l'enlevait. Il agissait de sa main. Donc, pour répondre à ces gens, et principalement les musulmans, qui, lorsque, ils font un mal, ils te disent, de quoi tu te mêles? Ça ne te regarde pas. D'accord? Donc, toi, tes affaires, wakada, wakada. Et si, Shir, yadkour le hadith, awalan, on dit que ça, c'est pas du foudoul. C'est pas se mêler de ce qu'on ne regarde pas. C'est une ibadah. C'est une chose que Allah nous ordonne de faire. Je dis, je ne t'ai pas surveillé, je ne t'ai pas suivi, je ne t'ai pas épié, je ne t'ai pas espionné, mais je te vois devant moi en train de faire la chose. Ou alors, j'ai eu un khabar de sika, fiable, de gens fiables, qui me disent que tu as fait telle chose. Car, kadhalik, min al nahi bil lisan, c'est-à-dire par langue, c'est d'aller informer les gens qui autorisent, qui ont autorité et qui sont en mesure de changer le mal. Par exemple, tu as quelqu'un qui fait un mal, et tu ne peux changer par ta main, seul la police pourrait agir. Tu vas informer la police. Ou alors, si toi tu parles ou tu agis, ça aura des conséquences sur toi, dangereuses. Par exemple, il y a des criminels ou quoi, ils vont faire un acte, tu le sais. Et si tu parles, ou tu vois que tu viens, tu veux les empêcher, tu auras des darars sur toi. Tu veux faire quoi toi, à ce moment-là? Tu vas le dire à la police. Tu vas dire, à tel endroit, telle personne, se passe telle chose. D'accord? Et ça, faut oublier les afkars qu'on avait dans la jahiliya, genre une balance. Ça, en islam, ça n'existe pas. Les sahaba, كم مرات رأوا منكرا وذهبوا قال لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول وما تفعل. Il disait à celui qui faisait l'acte reprochable, je vais aller le dire au Nabi sans faire ce que tu fais là à ce moment-là. Donc un muslim qui te dit ouais, tu vas me balancer à la police ou tu vas me balancer à mon père ou à mon grand frère, tu dis naam wa taqarrab ila Allah bidhalik, naam, je vais le faire. Sauf si tu arrêtes sur le champ, tu fais tawba. Il se peut que astourok, on te cache et on va endurer. Mais si c'est juste, tu es ta jahiliya que on se couvre pas dans le mal. Bon, allez, comme ça. Surtout si ce mal-là aura des répercussions sur les autres. À ce moment-là, toi, ton rôle, c'est ça. Tu vas voir les autorités, tu dis, un tel, il va faire telle chose. Et même chez les koufars, si une personne met en danger la sécurité générale, c'est un musulman, tu peux en informer les autorités. Pas le droit. Si un ajimi, il a fait une fatwa. Bon, des gens, tous ceux qui vont faire un acte, terroriste, ma felaine. T'en es sûr, certain, je parle, hein. Pas une chose, tu doutes. Ils vont faire un mal qui va mettre des vies en danger. D'accord? Eux, tu peux les dénoncer à la police. T'as le droit. D'accord? C'est pas juste, tu connais pas, lui, c'est un Daeshi. Mais, je sais pas ce qu'il va faire. Là, ce sera lui. Ma felaine. Mais après, tu sais qu'il est en train de faire un acte, prépare un acte qui va nuire à la sécurité générale. Et tu en es sûr, certain? Lui, tu peux le dénoncer. À ce moment-là. C'est permis. Hein? C'est pas une moudarat et koufar al-muslimin. Là, il y a un intérêt général qui vient. Là, c'est lui le murti par rapport à ça. Et tu n'aides pas le kafir pour le contre l'islam. Tu empêches ton maître de faire un mal qui va nuire à des gens. C'est un mot hadith qu'on avait pris la dernière fois. La darar ou la dirar. Donc, pour revenir à ce qu'on disait pour ces gens qui te diraient cette chose-là, un muslim, ani ma'alika minni, il y a le hadith, fameux hadith, لنعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل الكوم استهموا ولا سفينة وأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا ولا من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولن نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم ما رادوا هلكوا جميعا وإن أخلوا على أيديهم نجوا. Le Nabi Sassam dit que celui qui applique les limites d'Allah Azzawajal est comme l'exemple d'un peuple qui serait sur un bateau. Ils ont fait un tirage de sort pour savoir qui est en haut, qui est en dessous du bateau, dans la cale. Donc les meilleurs ont eu la partie supérieure et les autres ont eu la partie inférieure. Et ceux d'en bas ont besoin de boire. Et ils ont dit, si vous entrez dans le bateau pour avoir de l'eau, comme ça on n'a plus besoin d'embêter ceux qui sont en haut. C'est-à-dire que le cause, il était quoi leur cause à ce moment-là? Il était bon. Il voulait juste ne pas déranger ceux d'en haut et avoir de l'eau. Donc, il dit dans le hadith, si jamais ceux d'en haut laissaient personne en bas, faire le tour dans le bateau, qu'est-ce qui va se passer? Le bateau va couler. Qui c'est qui va mourir? Tous. Ce n'est pas que ceux d'en bas, c'est tout le bateau qui va couler. Nous, l'expression, on est tous dans le même bateau. L'expression, on est tous dans le même bateau. Alors, peut-être un os par rapport au hadith, en tout cas, tout va faire le hadith. On est tous dans le même bateau. On est tous dans la même galère, comme on dit. La galère, c'est quoi la base des bateaux avant où il y avait les prisonniers qui ramaient? Ça, une galère. Voilà. Les prisonniers, là, qui étaient pris en esclave, ils marchaient au rythme du tambour pour faire avancer le bateau. Donc, cet homme-là qui fait un mal, tu dis, si je te laisse faire, on va tous prendre. On va tous prendre. لهذا الشيء ذكر الآية قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. Et lorsqu'ils ont oublié ce qui leur a été rappelé, nous avons sauvé ceux qui ont interdit le mal, et nous avons pris les injustes d'un châtiment douloureux pour le mal qu'ils ont fait. Et dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé apeuré, et il a dit à Umm Salama, si je me rappelle bien, وَيْلٌ لِلْعَرَبِ لِشَارِدْ قَدْ اِكْتَرَبَ. Il a dit, malheur aux Arabes d'un mal qui approche. قَدْ اِفْتَحَا الْيَوْمِ فرج من يجوج ومأجوج il a fait un cercle avec son doigt pour dire qu'il y a un trou de cette taille-là dans la prison de Yajuj et Majuj, c'est défait. C'est-à-dire qu'ils vont sortir. Et donc, Moussalama, elle a dit, est-ce que nous allons tous être touchés par le mal? Il a dit, nam. Salihoud, quand le nam, idha, kasoul al-khabath. Si le mal se propage, ça va tous concerner. Mais qui est-ce qui sera sauvé? Ceux qui auront interdit ce mal. Eux, ils sont préservés. Et aussi, un verset à bien comprendre, quand Allah Ta'ala, ya ayyuha allazina amanu, la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Déjà, après ce verset-là, il l'utilise mal. Il dit, Allah, dans le sens où Allah, il dit, vous qui avez cru, ne vous nuirons pas si ceux qui sont égarés, si vous êtes bien guidés. Donc je dis, c'est égaré, ça ne me regarde pas. Abu Bakr Siddiq, il a dit, ya ayyuha an-nas, innakum takrawna hadhihi al-aya, wa tahmiluha al-ayy mahmaliha. Wa innama zakara hadha al-hadith, liman yanju manhu, allazinaha anil munkar. Il a dit, ceux-là, vous lisez ce verset-là, vous le lisez mal. En fait, ce verset-là concerne celui qui aura interdit le mal, celui qui continuera, il ne sera pas touché, celui qui a interdit le mal. Toi, tu as interdit quelqu'un de faire un mal, l'autre, il perdure, il continue. Toi, ma'alik. Ah, t'as fait ton wajib. T'as fait ta nasiha. T'as ma qu'on était à la, zakir, innaman tam zakir, les ta'alimi, moussaitir. Rappel, tu n'es qu'un rappel, tu n'as pas l'autorité sur eux. Mais toi, comme dans le verset qu'on a dit auparavant, tu seras préservé car tu as été la cause pour essayer d'interdire le mal. Après, il ne l'a pas écouté. Maintenant, ta autorité, tu peux tenir par ta main, fais-le. Tu ne peux pas, ta langue. Tu ne peux pas, ton cœur, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Taïm. Fa'adha alladhi akhazna al-yom min hadin hadithayn wa naktafi biadha al-qadr wa subhanaka wa bihamdik la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.